Le chétan qui ricane, l'envie tout brûler ramène un jerrican. Je suis entre deux flammes. J'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai perdu mon temps.